enchaîné. Oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Ciel tout bleu. Oh, oh, oh, supporter un ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, oh, oh, pour connaître le prix de la liberté. Moi je le connais, je suis un évadé. Nécessaire de perdre la vue. Oh, oh, oh, pour espérer des soleils disparus. Je les vois briller, je suis un évadé. Jamais laissé enchaîner. On ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé.